Section 100 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 100. Le Credo de l'amour par Alphonse Daudet. Elle avait toujours rêvé cela, être la femme d'un poète. Mais l'implacable destinée, au lieu de l'existence romanesque et fiévreuse qu'elle ambitionnait, lui arrangea un petit bonheur bien tranquille en la mariant à un riche rentier d'Auteuil, aimable et doux, un peu trop âgé pour elle, et qui n'avait qu'une passion, tout à fait inoffensive et reposante, l'horticulture. Le brave homme passait son temps, le sécateur à la main, à soigner, élaguer une magnifique collection de rosiers, à chauffer la serre, arroser les corbeilles. Et, ma foi, vous conviendrez bien que pour un pauvre petit cœur affamé d'idéal, il n'y avait pas là une pâture suffisante. Pourtant, pendant 10 ans, sa vie se maintint droite et uniforme, comme les allées finement sablées du jardin de son mari, et elle la suivit à pas comptés, en écoutant avec un ennui résigné le bruit agaçant et sec des ciseaux toujours en mouvement, ou la pluie monotone, infinie, qui tombait des pommes d'arrosoir sur les plantes touffues. Cet horticulteur enragé avait de sa femme le même soin méticuleux que de ses fleurs. Il mesurait le froid et le chaud à son salon encombré de bouquets, craignait pour elle la gelée d'avril ou le soleil de mars, et comme ces plantes en caisse, que l'on sort et que l'on rentre à des époques déterminées, la faisait vivre méthodiquement, les yeux fixés sur le baromètre et les variations de la lune. Elle resta ainsi longtemps, prise entre les quatre murs du jardin conjugal, innocente comme une clématite, mais avec des élans vers d'autres jardins, moins réguliers, moins bourgeois, où les rosiers pousseraient toutes leurs branches, où les herbes folles seraient plus hautes que des arbres et chargées de fleurs fantastiques, inconnues, en liberté sous un soleil plus chaud. Ces jardins-là, on ne les trouve guère que dans les livres des poètes. Aussi lisait-elle beaucoup de vers en cachette du pépiniériste qui ne connaissait, lui, en fait de poésie, que les distiques d'Almanach. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Sans choix, gloutonnement, la malheureuse dévorait les plus mauvais poèmes, pourvu qu'elle y trouvât des rimes à amour et à passion. Puis, le livre fermé, elle passait des heures à rêver, à soupirer. « Voilà le mari qu'il m'aurait fallu !» Tout cela, probablement, serait toujours resté à l'état vague d'aspiration si, à ce terrible moment de la trentaine, qui est l'âge décisif pour la vertu des femmes comme midi est l'heure décisive pour la beauté du jour, l'irrésistible Amaury ne s'était pas trouvé sur son chemin. Amaury est un poète de salon, un de ces exaltés en habits noirs et gants gris-perles qui vont, entre 10 heures et minuit, raconter dans le monde leurs extases d'amour, leurs désespoirs, leurs ivresses, mélancoliquement appuyées aux cheminées, dans la lueur des lustres, pendant que les femmes en toilette de bal écoutent, rangées en cercle, derrière leurs éventails. Celui-là peut passer pour l'idéal du genre. Tête de bottier fatale, l'œil cave, le teint blême, il se coiffe à la russe et se lisse fortement de pommade hongroise. C'est un de ces désespérés de la vie, comme les dames les aiment, toujours vêtus à la dernière mode, un lyrique refroidi chez qui le désordre de l'inspiration se devine seulement au nœud de cravate un peu lâche, négligemment attaché. Aussi, il faut voir ce succès quand, de sa voix stridente, il débite une tirade de son poème « Le credo de l'amour », celle surtout qui se termine par ce vers étonnant « Moi, je crois à l'amour comme je crois en Dieu ». Remarquez que je soupçonne fort ce farceur-là de se soucier aussi peu de Dieu que du reste. Mais les femmes n'y regardent pas de si près. Elles se prennent facilement à la glu des mots, et chaque fois qu'Amaury récite son credo de l'amour, vous êtes sûr de voir tout autour du salon des rangées de petits becs roses s'ouvrir, se tendre vers cet hameçon facile du sentiment. Pensez donc, un poète qui a de si belles moustaches et qui croit à l'amour comme il croit en Dieu. » La femme du pépiniériste n'y résista pas. En 3 séances, elle fut vaincue. Seulement, comme il y avait au fond de cette nature élégiaque quelque chose d'honnête et de fier, elle ne voulut pas d'une faute mesquine. D'ailleurs, dans son credo, le poète déclarait lui-même qu'il ne comprenait qu'une sorte d'adultère, celui qui marche la tête haute comme un défi à la loi et à la société. Prenant donc le credo de l'amour pour guide, la jeune femme s'évada brusquement du jardin d'Auteuil et vint se jeter dans les bras de son poète. « Je ne peux plus vivre avec cet homme. Emmène-moi !» En pareil cas, le mari s'appelle toujours cet homme, même quand il est pépiniériste. Amaury eut un moment de stupeur. Comment diable s'imaginer qu'une petite mère de 30 ans irait prendre au sérieux un poème d'amour et le suivre au pied de la lettre? Pourtant, il fit contre trop bonne fortune bon cœur, et comme dans son petit jardin d'Auteuil si bien abrité, elle s'était conservée fraîche et jolie, il l'enleva sans murmurer. Les premiers jours, ce fut charmant. On craignait les poursuites du mari. Il fallut se cacher sous des noms supposés, changer d'hôtel, habiter des quartiers invraisemblables, les faubourgs de Paris, les chemins de ceinture. Le soir, on sortait furtivement, on faisait des promenades sentimentales le long des fortifications. Ô puissance du romanesque ! Plus elle avait peur, plus il fallait de précautions, de stores, de voilettes abaissées, plus son poète lui semblait grand. La nuit, ils ouvraient la petite fenêtre de leur chambre et, regardant les étoiles qui montaient par-dessus les fanaux du chemin de fer voisin, elle lui faisait dire et redire sa tirade « Moi, je crois à l'amour comme je crois en Dieu. » Et c'était bon. Malheureusement, cela ne dura pas. Le mari les laissa trop tranquilles. Que voulez-vous ? Il était philosophe, cet homme. Sa femme, une fois partie, il avait refermé la porte verte de son oasis et s'était paisiblement remis à soigner ses roses, en songeant avec bonheur que celle-là, du moins, tenant au sol par de longues racines, ne pourrait pas s'en aller de chez lui. Nos amoureux rassurés rentrèrent dans Paris et, tout à coup, il sembla à la jeune femme qu'on lui avait changé son poète. La fuite, les craintes d'être surpris, les alertes perpétuelles, toutes ces choses qui servaient sa passion n'existant plus, elle commença à comprendre, à voir clair. Du reste, à chaque instant, dans l'installation de leur petit ménage et ces mille détails bourgeois de la vie de tous les jours, l'homme avec qui elle vivait se faisait mieux connaître. Le peu qu'il avait en lui de sentiments généreux, héroïques ou délicats, il le délayait dans ses vers sans en rien garder pour sa consommation personnelle. Il était mesquin, égoïste, surtout très ladre, ce que l'amour ne pardonne pas. Puis il avait coupé ses moustaches et ce déguisement lui allait mal. Quelle différence avec ce beau ténébreux frisé au petit fer qui lui était apparu un soir récitant son credo entre deux candélabres. Maintenant, dans la retraite forcée qu'il subissait à cause d'elle, il se laissait aller à toutes ses manies, dont la plus grande était de se croire toujours malade. Dame, à force de poser au poitrinaire, on finit par se figurer qu'on l'est réellement. Le poète Amaury était tisanier, s'enveloppait de papier faillard, couvrait sa cheminée de fioles et de poudre. Pendant quelque temps, la petite femme prit au sérieux son rôle de sœur grise. Le dévouement donnait au moins une excuse à sa faute, un but à sa vie. Mais elle se lassa vite. Malgré elle, dans la pièce étouffée où le poète s'entourait de flanelle, elle pensait à son petit jardin tout parfumé, et le bon pépiniériste, vu de loin au milieu de ses massifs, de ses corbeilles, lui semblait simple, touchant, désintéressé, autant que l'autre était exigeant et égoïste. Au bout d'un mois, elle aimait son mari, et elle l'aimait réellement, non pas d'une affection d'habitude, mais d'amour véritable. Un jour, elle lui écrivit une longue lettre, passionnée et repentante. Il ne répondit pas. Peut-être ne la trouvait-il pas assez punie. Alors elle envoya lettre sur lettre, s'humilia, supplia pour entrer, disant qu'elle aimait mieux mourir que de vivre avec cet homme. C'était au tour de l'amant de s'appeler cet homme. Le rare, c'est qu'elle se cachait de lui pour écrire. Car elle le croyait encore épris, et tout en demandant pardon à son mari, elle craignait l'exaltation de son amant. « Jamais il ne me laissera partir !» se disait-elle. Aussi, lorsqu'à force de prier, elle eut obtenu son pardon, et que le pépiniériste, « ne vous ai-je pas dit que c'était un philosophe ?» eut consenti à la reprendre, cette rentrée au logis conjugal eut tous les côtés mystérieux, dramatiques d'une fuite. Positivement, elle se fit enlever par son mari. Ce fut sa dernière jouissance de coupable. Un soir que le poète, las de la vie à deux et tout fier de ses moustaches repoussées, était allé dans le monde réciter son credo de l'amour, elle sauta dans un fiacre où son vieux mari l'attendait au bout de la rue, et c'est ainsi qu'elle revint au petit jardin d'Auteuil, à jamais guérie de son ambition d'être la femme d'un poète. Il est vrai que ce poète-là l'était si peu. Fin de la section 100.